Échangeur 22, résidence ressources, création contemporaine. Une occupation. Un bivouac artistique. Une résidence hors les murs. In vivo, prieuré Saint-Pierre de Pont-Saint-Esprit. Tout le mois de juin. Gilles Belgisser, artiste plasticien et poète. L'assemblage des éléments de création, textes musicaux, picturaux, forme une sorte de monde. Tous les jours, j'engage quelque chose qui est de l'ordre d'un geste, d'une action. Pièce de Richard Serra, verbaliste, une série de verbes engagés dans le champ de l'art. Et je prends de ces verbes empiler, entasser, emballer. Je ne suis pas tellement OK avec l'idée que la création vienne d'une inspiration, vision un peu romantique de la création. Le travail de l'artiste comme travail d'ouvrier. Les choses importantes se font en le faisant. Je suis un artiste qui fait. Projet d'occupation, une occasion unique, immergé dans un lieu proche de l'enfermement. Pas grand-chose d'autre à faire qu'à créer. Une concentration qui se fait au quotidien. Pour moi, c'est compliqué, la vieille communauté. Le travail artistique, il est totalement immersif. Possibilité aussi de s'extraire de ces groupes-là, de s'évader, de sortir. Bon, déjà, la rencontre avec des artistes que j'aurais sans doute jamais rencontrés, de rencontrer des artistes avec qui je me suis régalé de parler et d'échanger. Pratique tellement éloignée de moi, totalement, mais à l'opposé, je dirais. Des choses simples, des pratiques pauvres, des très pauvres, des pratiques pauvres avec les moyens du bord, des unités minimales de sens où le travail est fou. In vivo, un projet E22 sur l'invitation de Pont-Saint-Esprit, soutenu par la politique de la ville.